Bonsoir et bienvenue à la toute première émission de 2024 de Terra Incognita. 2024, une année, j'ai l'impression, qui va être bien remplie. En fait, j'ai déjà des indices parce qu'on a des nouveautés à vous présenter tout de suite dans ce premier bloc, dont un extrait du nouvel album de Samurai of Prague, qui pour l'occasion se présente sous le nom de The Samurai of Prague featuring Marco Criego, un claviériste et compositeur italien. Et de fait, c'est lui qui a composé tout le matériel de cet album. C'est la seconde fois que Criego compose un album entier, la première étant Anthem to the Phoenix Star, mais celui-ci a aussi contribué à des compos de Spaghetti Epic, de White Snake, donc c'est pas un nouveau venu dans l'univers de Samurai of Prague. Comme d'habitude, plein d'invités pour ce nouvel album qui paraîtra le 2 février, dont Michael True, qu'on a eu le plaisir de voir à l'œuvre dans le cadre de l'édition 2023 de Terra Incognita, le chanteur de Moon Letters. Et puis, de Norvège, on aura un extrait du troisième volet de la trilogie de The Chronicle of Father Robin. Et Marc, par la suite, je pense qu'on pourrait dire que c'est un groupe multinational. Oui, en effet. On parle ici de la formation Drifting Sun, qui a été fondée au Royaume-Uni en 1994. Il y a eu une période de pause entre 1999 et 2013, et la formation a repris du service en 2014. Alors, dans les années 90, ils avaient fait paraître deux albums, et c'est maintenant leur sixième album depuis 2015. On parle ici du nouvel album qui a pour titre Veil, et qui paraîtra le 18 mars 2024. On aura pour vous ce soir la pièce The Old Man. On parlait de formation internationale puisqu'elle comporte dans ses rangs deux musiciens d'origine française, dont un des membres fondateurs. Et sur ce nouvel album, il y a le chanteur Jargon de la formation grecque Verbal Delirium qui chante sur tout cet album. Également, ce sera suivi de la formation norvégienne Mesa Verde. Ils sont de Oslo et c'est leur second album qui va paraître le 19 janvier. L'album a pour titre All Is Well. Leur premier était paru en 2022. Alors, pour vous ce soir, on aura la pièce Eyes, mais comme vous le disait Michel, on débute ce soir avec le nouvel album de The Samurai of Prague. Dear Mayor, distinguished doctor, kind engineer, thank you so much for accepting my invitation to meet here tonight. And thank you, Pastor, for welcoming us to the sacristy of your church, letting my agents invade this sacred place for one night. I know you all have a lot on your plate. I cut to the chase, try not to waste your valuable time. Know that I know who did it. The killer of the woman found out this morning after mass in the confessional. Now I am sure it was one of you. Doctor, would you be so kind as to tell us when you last saw the victim alive? Church, like all of us, yeah, you're right. I meant the last time before today. I already told you she came to my doctor's office a few days ago, begging me to prescribe her hallucinogens, and at my refusal, tried to sexually corrupt. Thank you. trying to bribe you. What was the point of her screaming for your assistance, attention? Don't you think she should have gone out of her way to keep quiet? Don't you think she would do anything to give herself to you in total silence? Don't you think she would quietly indulge your every desire to fulfill the agreement? Well, I don't know, she was a poor lunatic. What do you want me to know about what was going on in her mind? Exactly. That translated from Latin means Jesus Nazarene, King of the Jews. But I had nothing to do with it. What are you implying? again I, without taking to account their meaning. I couldn't quite understand, but then I remembered a detail in your office, doctor. On the wall, internist of the year, the first, second, fifth, and seventh letters of internist, I and on and again. Of four letters in a word. Come on, you don't have a shred of evidence detected. We found a piece of colored tissue in the nearby sassafras forest, with the victim's epidermis in your fingerprints. So I'm sorry to contradict you, we have the murder weapon, your scar, the one you strangled her with, doctor. Thank you. keeps reaching for. One last taste of bygone days. A scarred hand wipes his feathered brow. In soft anxiety, he stands still, bruised and broken-hearted. When the hour strikes, and an ill wind robs his life. Never surrender concern to reality. We are a swan through the dark veil. The young man ponders what life made. His golden fortress lies there. Darker tale untold, sour fate unfolds. Heading for shattered promises. Heading for shattered promises. Thank you. past is present. In midst of lessons, how that is when we learn. What's been done, we do in turn. Master and trade from pages. Ancient, adapted, vintage. Smart through a screen. From all I have seen, time moves on, I moved along. As it did for those of days to which I can belong. It seems strange to me, the roots in my tree. De retour à Terra Incognita, on poursuit l'émission avec un guitariste du Royaume-Uni et le nom de son projet, le John Irvine Band. Un premier album a été lancé en 2011, donc c'est pas un nouveau venu. Wait and See, c'était le titre. Next Stop en 2013 et l'année dernière, il nous a présenté son album Scanning the Dark Horizon. C'était son sixième. Et là, il y a un septième qui va s'ajouter ce mois-ci. Et le titre de l'album, c'est « The Starships Are Gathering ». Et on aura donc un premier extrait, « Baptism of Fire, A Guardian Knot ». Et puis, du Japon, un batteur hyper prolifique, Mark Murdoch, avec son projet « Symbolic Encounters ». C'est un album qui est paru à la fin de novembre dernier, le 30 novembre pour être exact. Incandescent Spirit, c'est le titre de cet album qui vient s'ajouter à déjà une imposante discographie. Et j'ai repéré la pièce « Exploring Mind in the Vastness of Possibilities ». Et puis, d'Italie, on aura une nouvelle pièce de la formation Deception Store. C'est le projet du chanteur italien Marco Pantosi qui nous a présenté en 2022 un album intitulé Pindaric Flights. Et là, j'ai l'impression que c'est un single. Il n'y a pas d'album attaché à cette pièce, du moins pour le moment. Une pièce, vous allez voir, qui est assez floydienne dans sa signature. Et puis Marc, on demeure en Italie par la suite avec un monsieur qui décidément ne fait jamais les choses comme les autres. Oui, en effet, on parle ici du claviériste et compositeur italien Lorenzo Giovagnoli, qui est derrière la formation Odessa, qui a fait paraître leur plus récent album en 2022, l'Alba della Civiltà. Alors, comme il l'avait fait pour cet album-là, l'artiste nous fait parvenir les pièces à mesure qu'il les réalise. Ici, c'est une nouvelle composition pour un projet qui se présente sous son nom. On aura pour vous ce soir la pièce « There's Nothing Here » et ce sera suivi du compositeur, saxophoniste et claviériste allemand Marek Arnold et son nouveau projet, le Marek Arnold's Art Rock Project. C'est un album éponyme qui est paru en 2023. Alors, on sait que Marek Arnold fait partie de plusieurs formations, dont Seven Steps to the Green Door, Toxic Smile. Il est également membre du Stern Combo Messine. D'ailleurs, c'est le chanteur de cette formation qui apparaît sur plusieurs pièces de ce nouvel album. Il a participé également à des albums de The Samurai of Prague, Damanek, Argos, Subsignal, Southern Empire, pour ne nommer que ceux-ci. Alors donc, de ce nouvel album, on aura la pièce Time of Mystery. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce bloc musical avec le John Irvine Band. Thank you. Del mar della tranquillità, la tensione si confonde tra le mie curiosità ed aprendo quell'oblò, io alieno diverrò, nella sabbia rimarrà l'impronta dell'umanità. tranquility, we copy on the ground. Nella sabbia rimarrà l'impronta dell'umanità, nella piena oscurità del mar della tranquillità. There's nothing here for me, just blue and shades of gray filtering the days. Now here I lay, I'm sweating out the thought of you, of our yesterdays. Oceans and rivers drift us on a cruise in days full of go, too hard to be alone, to stand and embrace a new dawn. There's nothing here for me, nothing to live or die for. Just make it through the days. I'm packing up, I'm leaving for the sake of it. I'm until your reflection won't blow my mind away. And ache anymore, bleed nevermore, still won't you stay longer. Please be They say that once a boy has changed the world. They say it was a girl who started it all. Is it true? Or is it just you? Oh, but you lost the chance to free. They say that one-eyed pirates sailed the seas, and they plundered and slaughtered in their way. Is it true? Or is it just you? Oh, but you lost the chance. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura deux formations légendaires qui sont toujours actives aujourd'hui avec différents musiciens. On aura la formation Banco del Mutuo Soccorso qui faisait paraître en 2019 le premier album avec leur nouveau chanteur puisque leur légendaire chanteur Francesco Di Giacomo était décédé. Alors donc, de l'album Transiberiana, on aura la pièce I Ruderi del Goulag. On aura également un extrait du plus récent album de la formation française qui est maintenant du Royaume-Uni, Gong. Alors, on sait que la majorité des musiciens de Gong d'origine sont décédés. Le dernier album qui avait été réalisé avec le membre fondateur David Allen était en 2014 et s'intitulait ICU. Alors, c'est maintenant le troisième album avec la formation renouvelée. Un album qui m'a beaucoup surpris. Je dois dire que j'avais pas mal d'appréhension là, sur la qualité de ce que pouvait être Gong suite au décès de David Allen. L'album s'intitule Unending Ascending et on aura pour vous deux pièces, la pièce d'ouverture Tiny Galaxies et la pièce qui suit My Guitar is a Spaceship. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va avec une excellente formation suédoise. Oui, une formation que toi et moi apprécions beaucoup, Agusa, qui l'année dernière, maintenant, il faut le dire, en 2023, juillet 2023, a lancé son cinquième disque studio qui a pour titre Prima Materia. Et on va voir la pièce d'ouverture de cet album qui s'intitule Loss of Fagring Sommarvisen. Thank you.

pietre per intrappolare le idee. Queste mura sono inutili, queste sbarre solo ruggine. Senza gabbie ci imprigionano, nel futuro qui non servono. Oggi scegli la tua cella, puoi comprare ogni comfort e puoi passarci la vita. Guardare come fosse solo un film. Dans le prochain bloc musical, on aura l'auteur-compositeur-interprète italien Alex Carpani, et ce sera tiré de son troisième album qui a pour titre Four Destinies, paru en 2014. Il y a plusieurs musiciens invités sur cet album, dont le célèbre saxophoniste Van der Graaf Generator, David Jackson. Tout au long de l'album, on aura pour vous la pièce The Silk Road. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de la Pologne. Oui, il s'agit de Fren, un groupe formé en Pologne en 2017 et qui a deux albums à sa feuille de route. D'ailleurs, les deux sont chaudement recommandés. Il s'agit de Where Do You Want Ghosts to Reside, qui est paru en 2020, et All the Pretty Things, paru en 2022. Pour ce soir, on a sélectionné une pièce du premier album. La pièce a pour titre « Time to take stones away ». Thank you.

long journey's time is soon again. A strange light is drawn up in the sky. See the moonlight through the mountains. Where life is crossing while you're passing. Dove si incontra gente straniera. Pour conclure l'émission de ce soir, on a retenu une pièce d'un groupe américain, californien pour être exact, Ample Deed, et ça va être un extrait de son premier album A is for Ample Deed, paru en 2013. Le groupe a publié un second album en 2016, BYOB. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre bon 2 heures de rock progressif. Restez à l'écoute, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.